Répétez les questions. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Êtes-vous coréenne? Êtes-vous coréenne? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Habitez-vous à Tokyo? Habitez-vous à Tokyo? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous étudiante? Êtes-vous étudiante? Quelle est votre profession? Quelle est votre profession?